La structure sociale ne se réduit pas aux seuls critères économiques. La position dans la production, le revenu et le patrimoine dessinent une première ossature, solide, visible, mesurable. Pourtant, d'autres critères organisent aussi la société, moins immédiatement monétaires, mais tout aussi structurants. Le diplôme, l'âge, le lieu de résidence, la configuration familiale, ces dimensions ne remplacent pas l'économie, elles s'y superposent, elles en amplifient parfois les effets. Le niveau de diplôme constitue aujourd'hui un principe central de différenciation sociale. Il ne s'agit pas simplement d'un certificat scolaire, il fonctionne comme un mécanisme de tri. Le diplôme conditionne l'accès à certains emplois, à certains niveaux de rémunération, à certaines positions hiérarchiques. Les données statistiques montrent que le taux de chômage des personnes sans diplôme est nettement supérieur à celui des diplômés du supérieur. De même, le salaire moyen augmente avec le niveau de qualification. Le diplôme agit donc comme un filtre. Il organise des probabilités d'accès à la stabilité, à l'autonomie professionnelle, à la mobilité. Il structure également les sociabilités. Les individus ayant un niveau de diplôme comparable fréquentent davantage des personnes au parcours scolaire similaire. Les unions entre individus de niveau scolaire proche sont fréquentes. On parle d'homogamie scolaire. Ainsi, l'école ne distribue pas seulement des connaissances, elle distribue des positions probables dans l'espace social. Le diplôme devient un principe de classement durable. Le territoire constitue un autre principe de structuration, le territoire ou le lieu de résidence. Habiter un centre métropolitain dynamique, une commune périurbaine ou un espace rural n'implique pas les mêmes opportunités, les mêmes chances de vie. Des écarts importants existent en matière de revenus, mais aussi d'accès aux transports, aux services publics et aux établissements scolaires. Les lieux de résidence influencent l'accès à l'emploi, la qualité des infrastructures, la valeur immobilière, la densité des réseaux sociaux. Certains territoires concentrent les emplois qualifiés, les équipements culturels, les formations prestigieuses. D'autres cumulent éloignement, faiblesse des services publics et moindre attractivité économique. Les lieux de résidence peuvent ainsi renforcer ou atténuer les inégalités économiques initiales. La structure sociale est aussi spatiale. La société se structure également selon l'âge et la position dans le cycle de vie. Un étudiant, un actif en début de carrière, un salarié en fin de parcours professionnel, un retraité ne disposent ni des mêmes ressources, ni des mêmes contraintes. Les jeunes actifs connaissent davantage de contrats temporaires et des revenus plus faibles en début de trajectoire. Les seniors ont souvent accumulé davantage de patrimoine, oui, mais peuvent être exposés au risque d'exclusion du marché du travail en fin de carrière. L'âge influence le niveau de revenu, la stabilité de l'emploi, le patrimoine accumulé, l'exposition à certains risques sociaux. Il structure aussi les expériences collectives. Les générations n'entrent pas sur le marché du travail dans le même contexte économique. Certaines connaissent une période plus favorable, d'autres affrontent un chômage élevé ou une précarité accrue. Enfin, il structure les pratiques, les styles de vie, les modes de vie. La structure sociale ne se lie donc pas seulement verticalement, elle se lie aussi à travers les générations. Enfin, la société se différencie selon la configuration familiale. Vivre seul, en couple, avec ou sans enfants, en famille monoparentale ou recomposée, modifie profondément les conditions matérielles d'existence. Un même revenu individuel n'a pas le même sens selon la composition du foyer. Les familles monoparentales présentent en moyenne un risque de pauvreté plus élevé que les couples avec deux revenus. Les couples biactifs disposent d'une capacité d'épargne supérieure à celle des ménages à revenu unique. La structure sociale ne s'observe donc pas uniquement à partir d'individus isolés. Elle se lie à l'échelle des ménages. Ainsi, le diplôme, l'âge, le territoire et la configuration familiale ne sont pas de simples attributs individuels. Ils organisent des ensembles d'individus exposés à des contraintes comparables et disposant de ressources similaires. Des diplômés du supérieur, des jeunes actifs précaires, des retraités propriétaires, des habitants de centres urbains attractifs, des familles monoparentales. Ces groupes ne sont pas fermés, mais ils partagent des probabilités communes, les chances de vie. La structure sociale apparaît alors comme un système de positions relatives défini par la combinaison de plusieurs ressources, économiques, scolaires, démographiques, territoriales, familiales. Chaque critère ajoute une couche d'inégalité. Chaque couche peut renforcer ou moduler les autres. La structure sociale ne repose pas sur un principe unique, elle résulte de l'articulation de plusieurs mécanismes. Certains relèvent directement de l'économie, d'autres relèvent, comme on le voit ici, de l'éducation, de la démographie ou de l'organisation de l'espace. Mais tous participent à la même réalité. Des positions inégales, des marges de manœuvre différentes, des libertés inégalement distribuées, et parfois toute une trajectoire tient à la combinaison de ces critères. Mais il y a encore deux autres critères, peut-être plus sujets à débat, débat politique, mais aussi sociologique, le sexe et l'ethnie.